La détresse des Nibelungen. Chapitre 1er. Le rêve de Kriemhild. Les anciennes traditions nous rapportent des merveilles et nous parlent de héros dignes de louanges, d'exploits audacieux, de fêtes joyeuses, de pleurs et de gémissements. Maintenant, vous pouvez entendre redire l'histoire merveilleuse de ces guerriers valeureux. Il croissait en Burgondie une jeune fille si jolie qu'en nul pays il ne s'en pouvait rencontrer qui la surpassât en beauté. Elle était appelée Kriemhild et c'était une belle femme. À cause d'elle, beaucoup de héros devaient perdre la vie. De vaillants guerriers osaient, dans leur désir, prétendre comme ils sied à la Vierge digne d'amour. Personne ne la haïssait. Prodigieusement beau était son noble corps. Les qualités de cette jeune fille eussent orné toute femme. Trois rois la gardaient, nobles et puissants. Gunther Gernot, guerriers illustres, et Giselher, le plus jeune, un guerrier d'élite. La Vierge était leur sœur, et ses chefs avaient à veiller sur elle. Ces princes étaient bons et nés d'une haute race. Héros accomplis, ils étaient démesurément forts et d'une audace extraordinaire. Leur pays s'appelait Burgondie. Ils accomplirent des prodiges de valeur dans le pays d'Etzel. Ils habitaient en leur puissance à Worms, sur le Rhin. Beaucoup de fiers chevaliers de leur terre les servirent avec grand honneur jusqu'au temps de leur mort. Mais eux périrent lamentablement par la jalousie de deux nobles femmes. Leur mère, reine puissante, s'appelait Dame Wot. Leur père, Dan Krat, qui en mourant leur laissa son héritage, était doué d'une grande force. Dans sa jeunesse, il avait aussi acquis beaucoup de gloire. Ces trois rois étaient, comme je l'ai dit, d'une haute valeur. Aussi leur étaient soumis les meilleurs guerriers dont on ait ouï parler, tous très forts et très intrépides dans les combats. C'était Hagen de Trondheim et son frère Dankwart, le très agile, et Ortwin de Metz, et les deux margraves Ger et Ekwart, et Volker d'Alzey, doués d'une indomptable valeur. Rumolt, le maître des cuisines, un guerrier d'élite. Zindolt et Hunolt, qui devaient diriger la cour et les fêtes comme vassaux des trois rois. Ceux-ci avaient encore à leur service beaucoup de héros que je ne puis nommer. Au sujet de Hagen de Trondheim, il existe un bourg du nom de Tronek sur la petite rivière le Drône qui se jette dans la Moselle entre Trèves et Neumagen. Alzey, localité d'origine romaine, Alteia près de Worms. Dankwart était maréchal. Son neveu, Ortwin de Metz, était sommelier du roi. Zindolt, le guerrier choisi, était échanson. Hunolt, camérier. Ils étaient dignes de remplir les emplois les plus élevés. En vérité, nul ne pourrait redire jusqu'au bout la puissance de cette cour, l'étendue de ses forces, sa haute dignité et l'éclat de la chevalerie qui servit ses chefs avec joie pendant toute leur vie. Et voilà que Kriemhild rêva. Elle vit le faucon sauvage qu'elle avait élevé pendant tant de jours, étranglé par deux aigles, et jamais rien dans ce monde ne pouvait lui causer plus de douleur. Lorsqu'elle dit son rêve à sa mère Wot, celle-ci ne put l'expliquer à la douce jeune fille autrement qu'ainsi. « Le faucon que tu élevais est un noble époux, que tu dois bientôt perdre si Dieu ne te le conserve. » « Que me parles-tu d'un époux, ma mère bien-aimée? Sans amour de guerrier toujours, je veux vivre, afin qu'à cause d'un homme, nulle souffrance ne m'atteigne. Ainsi, je resterai belle jusqu'à ma mort. »« N'en jure pas si vite, » reprit sa mère. « Si en ce monde tu es jamais heureuse de cœur, cela te viendra par l'amour d'un époux. Tu deviens une belle femme, que Dieu t'unisse à un vrai et bon chevalier. »« Oh, ma mère, » répondit-elle, « laisse là ce discours. On a pu voir très souvent et par l'exemple de maintes femmes que la souffrance est à la fin la suite de l'amour, Je les éviterai tous deux, ainsi il ne pourra jamais m'arriver malheur. Dans la pratique des plus hautes vertus, la noble Vierge vécut beaucoup de jours heureux, et elle ne connaissait personne qu'elle voulût aimer. Depuis lors, elle devint avec honneur la femme d'un très bon chevalier. C'était ce même faucon qu'elle avait vu dans son rêve et dont sa mère lui avait dit la signification. Comme elle assouvit sa vengeance sur ses plus proches parents quand ils l'eurent tuée, à cause de la mort d'un seul, moururent les fils de maintes mères.